إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc qu'est-ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est la dernière partie du livre de Al-Irshad, et ça s'intitule le chapitre في التحذير فصل في التحذير من البدع, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'avertissement contre les innovations. D'accord. Donc le cheikh il commence et il dit أولا تعريف البدعة أنواعها وأحكامها. Donc premièrement la définition de بدعة, qu'est-ce que c'est, et ses catégories et ses règles. D'accord. Donc premièrement تعريف البدعة, la définition de la بدعة, c'est quoi une بدعة. Le cheikh il dit البدعة في اللغة مأخوذة من البدعة وهو الاختراع على غير مثال سابق. Le cheikh il dit que la bid'a dans la langue ça vient de al-bid'a, c'est-à-dire al-ikhtira, l'invention, d'inventer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Tu amènes quelque chose de nouveau, tu fabriques quelque chose, tu inventes quelque chose qui n'existait pas avant. Ça c'est la signification linguistique du mot bid'a. Une invention qui n'existait pas auparavant, une création ou quelque chose qui n'était pas là avant. Et le cheikh il donne des exemples de ça dans le Coran. Donc le cheikh il dit وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أي مُخْتَرِعُهَا عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, il se décrit lui-même en disant qu'il est بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, celui qui a créé les cieux et la terre. بَدِيعُ, celui qui l'a créé, qui l'a inventé, qu'il l'a fabriqué, qu'il a créé sans aucun exemple précédent. Il l'a créé, c'est quelque chose de nouveau. Personne, il n'y avait rien qui existait de comparable avant celui-là. Donc c'est lui qui l'a créé, qui l'a inventé. Voilà comme ça, rahmatullah. Et c'est ça que le cheikh il dit. C'est ça que ça veut dire, badir as-samawati wal ard. Donc ça c'est un exemple du mot bid'a dans la langue arabe. Un autre verset qu'il mentionne également, c'est le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ » Dis, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dis aux gens, je ne suis pas un bid'a, c'est-à-dire je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Je n'amène pas un message nouveau, c'est pas une bid'a, qu'est-ce que j'amène, c'est quelque chose qui existait déjà. Tous les messagers avant moi ont appris et ont enseigné aux hommes le même message. C'est ça que le cheikh il dit. Hey, ma kuntu awwal man jaa bi-risala min Allah ila al-ibad, bal taqaddamani kathirun min ar-rusul. Je ne suis pas le premier qui est venu avec ce message-là de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les serviteurs, pour les êtres humains. Beaucoup de messagers m'ont précédé à ça. Donc c'est ça que ça signifie. Et après le cheikh il dit, يقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدع طريقة لم يسبق إليها. Si on dit qu'une personne a fait une bid'a, ابتدع رجل, ça veut dire que il a commencé une voie ou commencé quelque chose que personne ne l'avait précédé, dans laquelle personne ne l'avait précédé. Donc c'est ça la signification du mot bid'a dans la langue arabe. Après le cheikh il dit وَلِبْتِدَاعُ عَلَى قِسْمَيْنِ. La bid'a, elle a deux catégories. La première c'est ابْتِدَاعٌ فِي الْعَادَاتِ. الْابْتِدَاعُ عَلَى قِسْمَيْنِ. Les bid'a ont deux catégories. La première catégorie c'est الْابْتِدَاعُ فِي الْعَادَاتِ, c'est-à-dire les innovations dans les choses habituelles de la vie, les choses de la dunya, qui ne sont pas reliées à l'adoration. Ça c'est la première catégorie. Et le cheikh il dit qu'ابْتِدَاعُ الْمُخْتَرَعَاتِ الْحَدِيثَةِ, comme toutes les nouvelles technologies et les nouvelles innovations technologiques. Ça, c'est une innovation dans le sens, c'est une des définitions ou une des catégories des innovations. C'est-à-dire, la première catégorie des innovations, c'est quoi? L'ibtida, elle a deux catégories. Première catégorie, l'ibtida, l'innovation, c'est dans les choses de la dunya, comme les inventions ou les innovations technologiques. Ça, c'est la première catégorie de bid'a, d'accord? Deuxième, et le cheikh il dit وهو مباح وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. Donc il dit que ça c'est permis, les innovations technologiques dans les choses de la dunya, les choses normales, les choses habituelles, ça c'est permis, parce que même si on appelle ça des bid'a, mais c'est pas des bid'a dans la religion, c'est des bid'a uniquement dans la dunya, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est permis tant que c'est tant que c'est des moyens ou des choses halal. C'est-à-dire si quelqu'un invente quelque chose pour un article ou une technologie qui permet aux gens à faire des péchés avec, là ça peut devenir haram, tu comprends? Comme quelqu'un invente une machine pour faire de l'alcool ou transformer quelque chose en alcool. Cette machine-là, c'est une nouvelle technologie, c'est une bid'a, mais elle serait haram. Tandis que, on va dire que quelqu'un invente une technologie pour permettre à quelqu'un de circuler dans la ville ou de... D'accord, ça c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, ibtida'un fi ad-din, wa hadha muharram. La deuxième catégorie, c'est les bid'a dans la religion, et ça c'est haram. D'accord? لأن الأصل فيه التوقيف. Donc, la base dans les adorations, c'est on doit s'arrêter au texte, aux preuves du Coran ou de la Sunna. D'accord? Si tu veux faire quelque chose dans le sens de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le sens de te rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et dans le sens de vouloir faire une bonne œuvre, quelque chose de bien, quelque chose qui va te ramener plus proche du paradis, et que tu veux faire quelque chose dans ce sens-là, mais que tu n'as pas de preuves, ni du Coran, ni de la Sunna, ni de l'exemple des Sahaba. Donc dans ce cas-là, c'est une bid'a, c'est une innovation, parce que tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de base, et c'est interdit. Et la preuve que c'est interdit, c'est l'exemple que le cheikh il mentionne, il dit « قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَبْ. » Celui qui amène quelque chose dans notre religion, celui qui fait une nouvelle chose dans notre religion qui n'en fait pas partie, elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée. Et dans un autre hadith, dans une autre version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. » Celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée, elle ne sera pas acceptée cette action-là. D'accord? Donc ça c'est des hadiths. Le premier est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et la deuxième version est rapportée dans Sahih Muslim. D'accord? Donc c'est des hadiths authentiques. Et ces hadiths-là, c'est les bases, c'est deux parmi les hadiths qui nous prouvent l'interdiction de faire des bid'ahs. Malgré qu'il y en a beaucoup d'autres. Comme le hadith qu'on mentionne, à chaque fois dans Khutbatul Haja, wa iyyakum wa muhdathatil umur. فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال صلى الله عليه وسلم répétait ça à chaque fois qu'il faisait une khutba. Il disait, et je vous préviens, des choses innovées ou inventées dans la religion, parce que ce sont les pires choses. Les pires choses sont les choses inventées, les nouvelles choses qu'on invente dans la religion. Et toute nouvelle chose qu'on invente dans la religion est une bid'ah. Et toute bid'ah est un égarement, et tout égarement amène au feu. Donc, ça c'est une des preuves que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné pour montrer que les innovations, les choses nouvelles dans la religion, c'est haram, c'est interdit. Et également, il y a d'autres hadiths, il y a même un verset dans le Coran sur lequel les ulama se basent également pour interdire les bid'ah, c'est-à-dire le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum » وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé pour vous. اليوم أكملت, c'est-à-dire j'ai complété. أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي, et j'ai complété également ma miséricorde, ma bonté sur vous. ورضيت لكم الإسلام دينا, et j'ai agréé l'islam pour vous. Donc les ulama comme l'imam Malik rahimahullah, il a utilisé ce verset là pour dire que celui qui amène une bid'a dans la religion de l'islam, c'est comme si il essaie de dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait manqué à sa mission, qu'il n'avait pas réellement transmis la religion complètement en entier, hein. C'est comme s'il dit il manque quelque chose à l'islam. Il faut amener quelque chose d'autre pour la compléter. Donc ça vient en contradiction avec le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Al-yawmu akmaltu lakum dinakum » « Aujourd'hui j'ai complété pour vous ma religion et j'ai parachevé pour vous mon bienfait. » Ok. Donc ça c'est une preuve claire également, comme l'imam Malik a mentionné, que celui qui croit que il manque quelque chose, qui fait une bid'a, c'est comme s'il croit qu'il manque quelque chose à l'islam, puis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message ou n'a pas bien transmis le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Après le cheikh il dit, anwa'ul bid'a, les catégories de bid'a. C'est quoi les catégories de bid'a? Ok? Mais il y en a plusieurs. Premièrement, il y en a deux catégories. Al bid'a fi din, la bid'a dans la religion, elle est en deux catégories. Ok? النوع الأول بدعة قولية اعتقادية كمقالات الجهمية والمعتزلة والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداتهم. Donc le cheikh dit, la première c'est la bid'a dans les croyances et dans les paroles. Et ça c'est la première catégorie de bid'a, comme par exemple la parole des Jahmiya, la croyance des Jahmiya, ceux qui nient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Ou bien des Mu'tazila, la bid'a des Mu'tazila qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils affirment les noms, mais ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils nient, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et ils nient également al-qadr, la prédestination. Et ils ont beaucoup d'autres bid'a de ce genre, hein. Donc, il y a l'exemple de ces gens-là. Et il y a la bid'a des rafida également. Ceux qui, par exemple, préfèrent Ali aux autres sahaba et qui déclarent les sahaba de kuffar et qui les insultent et qui donnent à leurs imams, à leurs 12 imams, des attributs divins comme le fait de connaître l'invisible ou de contrôler l'univers, ou d'avoir yani la connaissance infinie d'Allah, ou des choses de ce genre, hein, et qui adorent les morts et qui font des constructions sur les tombeaux des descendants de Ali et qui les vénèrent et qui les invoquent sur les 12 descendants d'Ali en particulier, mais également sur tous les autres qu'ils considèrent comme étant un homme saint ou un homme pieux, comme par exemple lorsque le Khomeini est mort, ils ont fait sur sa tombe une grosse oratoire, une grosse oratoire pour un. Non, c'est un café, mais les rafida en général sont des kuffars. Et toutes les sectes, la plupart des sectes, étrangement, sont toutes à l'origine de toutes ces sectes-là, on retrouve toujours un juif en général. Et si c'était pas eux, si eux-mêmes directement n'étaient pas juifs, c'était des juifs qui les avaient enseignés, c'est bid'ala. Et ne soyez pas trompés à penser que les bid'a qui existent dans l'islam, elles ont commencé uniquement avec l'islam. Beaucoup de ces bid'a existaient déjà parmi les juifs et parmi les chrétiens avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a toujours à travers les différents prophètes qui sont venus, il y a toujours eu des gens qui ont amené des bid'a après les prophètes. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة السلام عليكم ورحمة الله وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قيل من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي فذلك Les Juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et les sept Ummah va se diviser en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer excepté une. Et les Sahaba ont demandé, et laquelle, Ya Rasulallah sera, au paradis? Il a dit, c'est celle qui sera sur ce que je suis moi aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Donc, dans une autre version de ce hadith, le prophète Rasul a mentionné que également chez les chrétiens il y a une secte qui est au paradis et pour les juifs il y a une qui est au paradis et 70 qui est en enfer. Pour les juifs il y en a une qui est au paradis et 71. Pour les chrétiens il y en a une qui est au paradis et 71 qui est en enfer. Et pour les musulmans il y en a 73, une qui est au paradis et 72 qui sont en enfer. Donc ça veut dire que des bid'a existaient également chez les autres prophètes auparavant également, pas chez les prophètes, mais chez les peuples qui ont suivi ces prophètes-là, chez les gens qui ont suivi et qui ont cru à leurs prophètes à ces époques-là, d'accord? Et donc, quand l'islam est arrivé, eh ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste essayé, ils ont dit, bon, on a de l'expérience avec les juifs et les chrétiens, donc on n'aura pas de difficulté avec les musulmans, on va rentrer comme ça, puis on va les égarer facilement. Sauf que ils ont oublié une chose, c'est que l'islam c'est le dernier message d'Allah subhanahu wa ta'ala pour l'humanité, hein, et c'est le message final, et Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé d'une manière plus particulière que les autres. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Certes nous avons fait descendre le dhikr et certes nous allons le protéger, nous en sommes le protecteur. Donc ça veut dire que il le protège d'une façon plus particulière. Et la façon dont l'islam est venu, avec sa clarté et avec sa force, et elle est dans les preuves et dans la clarification, eh ben c'est tellement clair et c'est tellement fort que c'est impossible à quelqu'un de venir changer le message. Malgré que les gens de bid'a, essaient à chaque fois de venir avec quelque chose pour mélanger les musulmans, pour confondre la vérité et le faux, mais il y a toujours quelqu'un qui revient pour ramener la pureté et l'originalité du message de l'islam à son origine et à sa base originale. Hein? D'accord? Donc, alhamdoulilah. Et donc, ça c'est l'exemple que le cheikh a mentionné, des différentes firqas, hein, des différentes sectes, et il y en a beaucoup d'autres encore que le cheikh n'a pas mentionné, mais il a mentionné uniquement ces quatre ou ces trois sectes uniquement comme exemple pour nous faire comprendre de quel genre de bid'a qu'il parle. Donc la première catégorie c'est les bid'a dans les croyances et les paroles, et la deuxième catégorie c'est les bid'a dans les actes d'adoration. Donc il y a la bid'a dans les croyances et les bid'a dans les actes d'adoration. Donc le cheikh dit النوع الثاني بدعة في العبادات كالتعبد بعبادة لم يشرعها وهي أنواع. Donc c'est le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala par une adoration qu'il n'a pas légiférée et qu'il n'a pas ordonnée, hein, qui n'a pas de référence ni dans le Coran ni dans la Sunna. Donc ça, le fait de vouloir adorer Allah par ces manières-là qui sont innovées, eh ben ça représente une bid'a dans les actes d'adoration. Et le chef il dit que ces formes de bid'ah dans les actes d'adoration, elles se divisent en différentes catégories également. D'accord? Donc, première division que le chef a fait en commençant, c'est de diviser entre la bid'ah dans la dunya et la bid'ah dans la religion. Par la suite, il a dit maintenant, dans la bid'ah dans la religion, il y a deux catégories. Il y a la bid'ah dans les croyances et les paroles, et la bid'ah dans les actes d'adoration. Maintenant, il va diviser la bid'ah dans les actes d'adoration en quatre autres catégories. Ok? Donc, on va suivre pour comprendre comme il faut c'est quoi ces quatre différentes formes de bid'ah dans les actes d'adoration. La première, النوع الأول, ما كان في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لها أصل في الشرع كأن يحدث صلاة غير مشروعة أو صياما غير مشروع أو أعيادا غير مشروعة كأعياد الموالد وغيرها. Donc, le chef il dit, la première catégorie de bid'ah, c'est celle qui n'a pas de, qui n'est, c'est-à-dire la bid'ah qui est dans le fond, à la base de cette adoration-là. C'est-à-dire, elle n'a même pas de base du tout, cette bid'ah, dans l'adoration. C'est quelque chose qui est complètement, innové à la base. Ok? Comme par exemple, quelqu'un qui vient et qui veut inventer quelque chose qui n'a pas du tout été légiféré. Ni dans le Coran, ni dans les hadiths, et qui n'a jamais été pratiqué ni parlé aucun des sahaba. Donc, et il donne des exemples. Il dit par exemple quelqu'un qui veut inventer une nouvelle salat. Non, salat al-hadiya, ça c'est, il y a des hadiths qui parlent de ça. Non. Wallahu a'lam. Après, je te donne un exemple. Non, quelqu'un qui veut inventer une salat par exemple. Comme les soufis, ouais, soufis, ils ont beaucoup de salats qu'ils inventent. Les salats pour n'importe quelle occasion et raison. Par exemple, j'ai lu dans le livre du Cheikh Mohamed Ahmed Loh, dans Taqdis, à la Shkhat, sur le fikr soufi. Il a un chapitre où il mentionne des exemples de prières que les soufis ont inventées. Et puis vraiment, ils en ont un paquet. Et c'est leur chur qui leur enseigne ces prières-là. Ils leur disent par exemple, tu vas faire une prière, et dans cette prière-là, tu vas faire un tel nombre de zikr, tu vas faire un tel nombre de rak'at, tu vas faire un tel nombre de recours, tel nombre de sujoud, et dans chaque mouvement, tu dois répéter par exemple, je sais pas moi, 50 fois telle chose, et tu vois, et c'est des choses qui n'ont aucune référence, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. D'accord? Il y a l'exemple des gens, des derviches là, des derviches tournants, qui tournent en rond. Mais ça peut être n'importe quoi aussi. Ça peut être quelqu'un par exemple qui va dire, tu vas prier une prière, par exemple, on va l'appeler, on peut lui donner un nom, ils peuvent lui donner un nom, ils peuvent ne pas lui donner un nom, hein. Ils vont dire, dans cette prière-là, tu dois faire 10 recours. Et 10 sujoud. Et tu dois réciter dedans 10 fois « Qul huwa Allahu ahad ». Et tu dois, avant de la faire, tu dois faire 3 fois le wudu. Des exemples comme ça c'est des choses qui n'ont aucune référence, d'accord? Ok? Et puis, l'exemple, il donne aussi des jeûnes. Quelqu'un qui va dire, bon, tu dois jeûner, par exemple, chaque mercredi, tu dois jeûner. Et puis, il n'y a pas de preuve de dire que tu dois prier chaque mercredi dans les hadiths. Ouais, mais non, il y a des jeunes qui ont des références, comme le jeûne du jeudi et du lundi, les trois jours du Ayyam al-Bayt, c'est-à-dire les jours de pleine lune, c'est-à-dire le milieu du mois, hein. Ça c'est des jours qu'on doit jeûner, c'est dans la sunna. Mais par contre, quelqu'un qui inventerait un nouveau jeûne, hein, qui n'a pas de référence, hein, le Coran et dans la Sunna, donc ce serait rejeté. Il donne l'exemple aussi des fêtes, des célébrations. Comme le Maulid, ceux qui fêtent la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un exemple de bid'ah. Parce qu'ils disent que, ils disent qu'il faut célébrer sa fête. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais célébré sa fête, il n'a jamais enseigné aux sahabas de célébrer sa fête, il n'a jamais non plus, ils ne l'ont jamais fait non plus, les sahabas, hein, et ceux qui sont venus après les tabi'in, ils n'ont jamais fait ça non plus, et les tabi'in, les élèves des tabi'in, eux non plus ne l'ont jamais fait, hein. Donc c'est quelque chose qui a été ramené très longtemps après, là. Et eux, ils viennent aujourd'hui, les soufis, et ils disent, ouais, mais on fait ça parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est pour se rappeler de lui, et etc., etc. Sauf que, hein, كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Toute bid'a, toute innovation est un égarement et toutes les égarements sont dans le feu. ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Celui qui fait une action qui ne fait pas partie de notre religion, elle sera rejetée. Donc, c'est pas une question d'avoir la bonne intention, de vouloir faire quelque chose de gentil, de bien. Parce que les Sahaba, ils aimaient plus le Prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous. Et eux, ils l'ont pas fait. Donc, est-ce que nous, on pense qu'on est meilleur que les Sahaba? Et qu'on aime le Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que les Sahaba? Donc, nous, on est obligé de faire des fêtes, alors que eux, ils n'ont même pas pensé à ça. Donc, on les a précédés à quelque chose de bien, que eux-mêmes n'avaient même pas connu. Donc, c'est-à-dire, on se prend pour des gens qui sont mieux que les Sahaba. Et ça, c'est quelque chose d'insultant de dire une chose pareille au sujet des Sahaba. Ouais, ils disent que c'est pas une adoration. Ouais, ils disent que c'est pas une adoration. Alors que le but, pourquoi ils le font? Si c'est pas pour plaire à Allah, pourquoi ils le font alors? Hein? S'ils le font pas pour se rapprocher, pourquoi alors ils mentionnent toutes sortes de zikr et toutes sortes de mada'ih, comme ils appellent, des sortes de chansons là, ils appellent ça mada'ih. C'est des chansons, ouais, des chansons soi-disant religieuses. Comme les soufis, hein. Ouais, ouais. Et ils vont, par exemple, réciter Al-Burda, aussi ce jour-là, le poème de Al-Busayri, qui contient des paroles de shirk, hein. Donc, au Maroc, ils font ça, dans les pays musulmans, ils font ça, yani. Au Sénégal, c'est tout. Dans certains pays musulmans, c'est une fête, c'est un jour, férié, yani. Il n'y a pas de travail ce jour-là, il n'y a pas d'école, hein. Deux jours, ouais. Donc, donc c'est devenu, la bid'a est institutionnalisée dans les pays musulmans, et ça c'est dommage, parce que les vieux sont grandis là-dessus et les jeunes grandissent là-dessus. Donc quand ils entendent par la suite un musulman qui suit le Coran et la Sunna qui vient leur dire que ça c'est haram, vous n'avez pas le droit de faire ça, alors pour eux c'est étrange, parce qu'ils ont grandi à faire ça chaque année, hein. Et ça c'est juste une célébration, c'est-à-dire la célébration de la fête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec ça, à l'intérieur de la vie des soufis, il y a des célébrations pour la vie de plein d'autres personnages en dehors du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et surtout maintenant encore, c'est devenu plus qu'avant, ça s'est amplifié. Ils fêtent la fête des Koufa, mais ils fêtent, par exemple, les fêtes des autres, soi-disant des Awliya ou des Sayyid ou je sais pas quoi, et ils font des Mawasim, hein, ils font des grands pèlerinages, alors le jour de la fête de ce Wali, ils vont à sa tombe, et puis ils font toutes sortes de célébrations, là. Ils installent des tentes, et tout le monde va là-bas comme, c'est comme une sorte de foire en même temps, là. Il y a des jeux, il y a des activités, il y a de la musique, il y a de la danse, il y a toutes sortes de choses haram qui entourent ça aussi. Et puis, ils vont par exemple aller faire une sorte de rituel à l'endroit où le wali est enterré. S'il y a un arbre qui a poussé proche de la tombe, cet arbre-là est considéré comme un arbre qui a des dons de bénédiction, et on peut aller le toucher puis il va nous donner une baraka. Il peut y avoir une petite mare d'eau ou quelque chose à côté, donc ça devient de l'eau bénite, parce qu'elle est proche de la tombe, donc on prend de cette eau, on se lave avec, on la met sur soi, s'il y a une grotte ou quelque chose pas loin, on s'en va là-bas, donc toutes sortes de choses sont reliées à toutes ces pratiques-là, et ça remonte tout au shirk et ça remonte tout à la bid'a et à l'égarement. Et il y a peu de gens qui dénoncent ça parmi les musulmans au nom du Coran et de la Sunna. Ouais, le gouvernement il est en quoi ça? Non. Subhanallah. Ouais. Ouais. Des rituels, ouais. Mais c'est parce que je pense que la façon dont ils ont établi le pouvoir politique au Maroc, c'est établi sur les confréries soufias, comme sur les turcs soufias. Et c'est de là qu'ils détiennent en réalité l'autorité du pouvoir, parce que même d'après ce que j'ai lu, les chouyoukhs soufias de chaque ville, bon, ils sont des représentants, puis en tout cas c'est un petit peu compliqué, ouais c'est ça, ça représente c'est relié à toutes ces pratiques-là, c'est pour ça que, étant donné qu'ils ont basé le pouvoir là-dessus, pour que quelqu'un vienne dénoncer ces choses-là, des fois c'est vu, on le prend comme pour un fou, ou bien on le prend comme si il essaie de remettre en question l'autorité du dirigeant, Non, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est vrai, c'est comme Hamza il dit, là, les descendants de ce wali, ils habitent toujours à proximité habituellement, c'est-à-dire ils ont une maison ou quelque chose à proximité, et quand il y a ces célébrations-là ou ces choses-là, bon, ils en retirent un profit économique parce que les gens qui viennent là-bas, ils doivent donner quelque chose quand même pour les descendants du soi-disant saint qui est enterré à cet endroit-là. Ziyara, c'est ça, ils appellent Ziyara. Donc, il faut payer un petit droit de visite pour les descendants du Wali Yani, soi-disant, et donc c'est relié avec quelque chose d'économique qui est relié à ça, donc. Mais tout ça, Yani, c'est ça la base de la bid'a et du shirk, Yani. Oui. Moi, j'en ai jamais vu. Yahri, moi je n'ai jamais vu, c'est ça, ouais, exactement, exactement, les gens, les soufias, non, pas nécessairement, non, pas sur le fard, ils le font sur des nawafil soi-disant, mais ils vont par exemple se retirer dans leur mosquée. Les soufis, ils ont leur mosquée à eux, où ils font leur danse, où ils font leur chant, ouais, leur chanson et leur danse et tout leur rituel. 786, ouais, c'est des Pakistanais ou des gens du Bangladesh. C'est des soufis là-bas, ouais. Ah, mais mon frère, si tu veux les énumérer, là, il y en a beaucoup. Et puis on les connaît pas toutes parce qu'il y en a qui sont même, c'est-à-dire c'est juste les soufis qui les connaissent là. C'est-à-dire ils veulent même pas qu'on les connaisse. Ils veulent seulement que c'est les gens qui sont avec eux qui les connaissent seulement. Ils ont pris ça du shaitan. Non. Les soufis, ils ont mélangé leur aqida et ont mélangé de plusieurs ressources de référence. Les chouyoukhs des soufis, ils prétendent qu'ils n'ont pas besoin de se référer au Coran et à la Sunna, parce que eux, ils prennent leurs informations directement de Dieu. Et pour eux, ils croient qu'ils ont une sorte d'infaillibilité, une sorte d'inspiration divine qui les guide vers la sagesse et vers le droit. Mais c'est pour ça que pour eux, le fait que quelqu'un soit musulman ou non musulman, parfois c'est même pas une condition ou une référence pour dire qu'ils sont bien guidés. Parce que pour eux, tout homme qui connaît la réalité que eux ont compris, soi-disant, eh ben, il est sur la guidance et sur le droit chemin. Pour eux, la réalité, c'est quelque chose qui est au-dessus du Coran et de la Sunna. C'est pour ça qu'ils disent que vous, les musulmans ordinaires, vous suivez la charia. Nous, on est arrivé à un autre niveau qui est al-haqiqa. On comprend maintenant quelque chose qui est la réalité de la révélation. Et là, dans ce cas-là, nous, on n'est plus obligé de se limiter à qu'est-ce que vous avez compris là. Hein? Donc c'est pour ça que ces gens-là, Yanni, tu peux les voir faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et eux, ils disent, quand le soufi va se soumettre, quand le soufi va accepter de se soumettre à son cheikh, il doit être comme le mort avec celui qui le lave. C'est-à-dire, toi, ton cheikh, c'est comme celui qui te lave, et toi, t'es mort. C'est-à-dire, tu dois oublier ta volonté personnelle, oublier tes idées, tes opinions et tout, et te soumettre entièrement à ton cheikh. Non, bien entendu. Il y a beaucoup de choses dans le soufisme qui a un rapport avec le shirk et le coffre même. Le berceau du soufisme, c'est pas l'Égypte. Ça vient du Shia, c'est ça. Exactement. Ça vient de l'Irak. C'est parce que les soufis, ils ont pris un petit peu des idées des chrétiens, un petit peu des idées des juifs, un petit peu des idées des bouddhistes, un petit peu des idées des hindous, hein, le nirvana, l'idée de panthéisme, que Dieu est tout est un, les soufis, comme Ibn Arabi, il appelle ça, wahdatul wujud, hein, que Dieu est tout, et tout est Allah, et il y a aussi al-hulul, que Dieu entre dans certaines de ses créatures, dans certaines de ses créations. C'est pire que les chrétiens, même il y a un cheikh qui disait une fois, il dit, les soufis al-hululiyah sont plus koufars que les juifs et les chrétiens. Parce que les chrétiens, ils disent que Dieu est entré dans Isa ibn Maryam. Tandis que eux, ils disent que Allah est rentré dans tous les êtres humains, ou dans certains êtres humains, ou dans les animaux. Hein? Donc c'est comme ça. Se battre sur des shubuhat, hein, et sur des passions qu'ils ont eux-mêmes. Tu vois? Si tu sais que ces gens-là ont ces croyances-là, et qu'ils font ces choses-là qui sont des croyances de coffre, alors t'as pas le droit de prier, t'as pas le droit de prier derrière eux, derrière mes créants. Si tu sais que ces gens-là ont ces croyances-là. Hein? Si tu sais qu'un musulman adore les morts, il prie aux morts et tout ça, là, tu sais que tu ne dois pas prier derrière lui. D'accord? Oui, dans le cas où c'est une mosquée, où il y a un imam qui a une bid'ah, par exemple, mais sa bid'ah, elle ne fait pas sortir de l'islam, tu peux prier derrière lui, mais pas celui qui a du shirk ou du kufr. Sa prière lui-même n'est pas valable, puis si tu pries derrière lui alors que tu sais qu'il est kafir, ta prière n'est pas valable. Non, il y a beaucoup, ouais, ben justement on parlait de ça avec Mukhtar là, l'imam de ICQ là par exemple, il quand il prie c'est comme s'il fait la course, et il disait l'autre jour, non mais ça c'est pas obligatoire de faire exactement ces deux sourates là pour dans les Jumu'ah, c'est sûr, non, mais le professeur Atom, il a récité aussi d'autres que ces deux-là. Ouais. Mais c'est-à-dire, le prophète, sallam, il a dit que ça fait partie du fiqh de l'imam qu'il raccourcit son khutbah et qu'il prolonge sa salat. Et donc, ça, c'est quelque chose de la sunna. Tu raccourcis ton khutbah puis tu prolonges ta salat. Mais quelqu'un qui prie là comme si t'as même pas le temps de rattraper son mouvement tellement il va vite, ouais, ça c'est interdit, aller de prier vite comme ça. Il n'y a pas de khushu', il n'y a pas de concentration, il n'y a pas de tamanina, il n'y a pas de sérénité dans les mouvements, tu vas trop vite, et ça c'est pas correct de prier vite comme ça. Ouais, la prière vite. Subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu un homme entrer dans la mosquée. Il a fait deux rak'at. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. Il s'est relevé, il a fait la prière encore de la même façon. Il est venu s'asseoir à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lève-toi et prie car tu n'as pas prié. Il s'est relevé, il a refait sa prière encore une fois. Il est revenu s'asseoir avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lève-toi et prie parce que tu n'as pas prié. L'homme a dit, Ya Rasulallah, je peux pas faire mieux que ce que j'ai fait là. C'est ça que j'ai appris, c'est ça que je sais. Alors montre-moi, apprends-moi comment prier. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il lui a montré clairement comment prier. Il a dit, tu fais takbir et tu récites al-Fatiha, Ummul Kitab. Et après, tu récites ce que tu connais, ce qui est facile pour toi du Coran. Puis tu fais takbir et tu fais ton recours jusqu'à ce que ton dos soit bien en place et que tu es relax dans ton recours. Après tu te relèves, hein, et tu te relèves et tu gardes ton dos droit et jusqu'à ce que ton dos soit relax jusqu'à ce que tu sois revenu relax dans ta position. Après tu fais Allahu Akbar et tu te prosternes jusqu'à ce que tu te sentes en paix dans ta prosternation. Puis, tu te relèves, tu fais Allahu Akbar, tu t'assois, et tu t'assois jusqu'à ce que tu sois en paix dans ton, c'est-à-dire tu sois au calme dans ton mouvement d'être assis, là. Ensuite, tu te reprosternes encore une fois, tu dis Allahu Akbar, et tu te reprosternes, et tu restes prosterné jusqu'à ce que tu te sentes en paix dans ta prosternation encore une fois. Et, il a dit par la suite, et tu refais ça dans toute ta prière au complet. Donc, il lui a montré comment prier. Et il lui a montré la bonne manière. Hein. Et ça, c'est le hadith qu'on appelle Al-Musi ou l'Isolatihi. Hein, celui qui ne priait pas bien. Et aujourd'hui, il y a des imams, Allah mustaan, ils font la prière de celui qui ne savait pas comment prier. Ils prient tellement vite, on ne peut même pas les suivre. Alors, c'est pour ça que il faut que ces imams-là regardent ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et regarde les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il priait. C'est vrai que il faut pas rallonger trop la prière si tu sais qu'il y a des personnes âgées, puis qu'il y a des femmes ou des bébés qui pleurent ou des choses de ce genre, tu peux raccourcir ta prière. Mais ça veut pas dire non plus, tu vas prier tellement vite non plus que tu peux même pas concentrer sur qu'est-ce que tu dis. D'accord? Donc ça c'est une chose importante à comprendre et aller. Et il faut donner. Ça c'est une bonne question, Allahu a'lam akhi. Je ne sais pas vraiment. Est-ce que sa prière, la personne qui prie derrière un imam comme ça, qui prie trop vite, est-ce que sa prière est acceptée ou non? Allahu a'lam. Étant donné que toi tu es là, tu as juste prié derrière lui, ton intention c'était de faire l'obligation, Allah te récompensera selon ton intention, mais pour l'imam lui, par contre, ton devoir, c'est d'aller le voir, essayer de lui donner le conseil et de lui faire. T'essaies de lui expliquer, par exemple, qu'il faut avoir le khushu' dans la prière. Moi, j'ai prié durant le Ramadan. On a prié derrière un imam. Et puis, c'était comme le tarawih, d'accord? Donc, il est hafiz le Coran. Sauf que il a appris, mais il n'a pas révisé, donc il récite très très très très rapidement, et il fait plein d'erreurs, il fait plein d'erreurs. Il y a un frère derrière qui a le mushaf avec lui, et qui lit dans le mushaf durant la salat, donc chaque fois qu'il se trompe, il le corrige, mais il fait des 2-3 erreurs par verset, là. Donc là, on dirait qu'on n'a pas de khushu', et il récite tellement vite, c'est comme si... Donc, moi, quand on a fini, on a fait 2 rak'a, pendant entre les deux, j'ai dit à l'imam, mon frère, récite un peu moins vite, et comme ça tu vas faire moins d'erreurs, puis au moins tu vas être capable de mieux te concentrer dans la salat, hein. Et là, en tout cas, donc, il m'a expliqué que ça fait longtemps qu'il n'avait pas revisé, puis tout ça, il avait besoin de révision et tout. Donc j'ai dit, oui, c'est vrai, mais quand même, il faut y aller voir avec tout ça. Et donc, on va revenir à, donc, au DARS, Inch'Allah. Donc, c'est bon de mentionner ça, parce que de toute façon, c'est des choses qu'on a besoin de comprendre également, d'accord. Là, on a parlé de la première catégorie dans les bid'ah, dans les adorations, c'est-à-dire une bid'ah dans la base de l'adoration, c'est-à-dire à la base elle n'est pas islamique. La deuxième catégorie, النوع الثاني, ما يكون في الزيادة على البدعة على العبادة ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة كما لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. Donc maintenant, on va parler de la deuxième catégorie, c'est-à-dire quelqu'un qui rajoute quelque chose dans une adoration qui est déjà légale et légiférée. D'accord? Donc, une chose qui est permise, comme par exemple prier Salat al-Asr. Il n'y a pas de problème si un musulman décide de faire Salat al-Asr. D'accord? Parce que ça c'est permis, c'est obligatoire, on le sait, c'est dans le Coran et c'est dans la Sunna. Alhamdulillah. Mais là, quelqu'un arrive maintenant, puis il dit, oui, moi je veux faire Salat al-Asr, wa alaykum salam wa rahmatullah, je veux faire Salat al-Asr, mais je trouve que 4 rak'as, c'est pas assez. On n'a pas vraiment le temps de vraiment remercier Allah subhanahu wa ta'ala avec 4 rak'as, c'est peu. Donc, on voudrait essayer de faire plus d'efforts pour Allah subhanahu wa ta'ala et remercier Allah subhanahu wa ta'ala plus, parce qu'on est faible, on a plein de péchés. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans étaient forts, donc eux ils pouvaient juste faire 4. Mais nous aujourd'hui, avec tous les péchés qu'on a, tous les garments qu'on a, on a besoin de plus. Donc, au lieu de faire 4, on va faire 5 ou 6 rakats dans la prière de Asr. Et dans la prière de Maghrib, on va faire 4. Dans la prière de Isha, on va faire 5. Donc, si quelqu'un dit ça, à la base, est-ce qu'il appelle à faire quelque chose de mal ou quelque chose de bien? À la base, il appelle à faire quelque chose qui est bien, c'est-à-dire de faire la prière. Sauf que, il veut ajouter quelque chose à la charia. Il veut ajouter quelque chose à l'islam. Et donc, étant donné qu'il amène quelque chose de nouveau, qui est à la base légiféré, mais il veut le faire à une façon qui ne fait pas partie de la façon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, et contraire à la façon que Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné. Donc, à cause de ça, ça devient haram. Et c'est une bid'ah, c'est une innovation. Donc ça, c'est la deuxième catégorie, d'accord? Maintenant, la troisième catégorie. النوع الثالث. ما يكون في صفة أداء العبادة بأن يؤديها على صفة غير مشروعة. وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة. أو مطربة وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, la troisième catégorie, c'est la catégorie qui est une bid'ah dans la façon ou dans la description de faire cette ibadah. Donc ça veut dire que quelqu'un te demande ou t'appelle à faire une adoration qui est légiférée dans l'islam. Elle fait partie du Coran, elle fait partie de la Sunna. Sauf que lui, il t'appelle à la faire, mais dans une description particulière ou d'une façon particulière qui n'a pas été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour vous donner l'exemple, le cheikh il dit, comme par exemple, de faire le zikr d'une manière spécifique qui n'a pas été légiférée et à l'unisson, hein. C'est comme si, par exemple, je vous disais à les frères, bon, maintenant, on est assis là, on va faire le zikr, donc, moi, je vais dire Allahu Akbar, et on va tous répéter 100 fois ensemble, Allahu Akbar en même temps. et là on commence Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et puis là yani après on pourrait même, quelqu'un pourrait même dire par exemple, ok, maintenant on va faire une autre fois, mais on va se lever debout, puis à chaque fois qu'on va dire Allahu Akbar, on va frapper des mains, hein, puis là après on va tourner la tête à gauche, à droite, hein. Si quelqu'un, ouais, ouais. Donc si quelqu'un arrive et demande aux gens de faire ça, est-ce qu'il demande à faire quelque chose qui est à la base haram ou non? À la base, il demande de faire le dhikr. Et le dhikr, c'est quelque chose qui est ordonné dans le Coran et dans la Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَذَّاكِرَاتٍ وَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. Et rappelez-vous de moi, et je vais me rappeler de vous. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et les femmes qui se rappellent d'Allah constamment, et les hommes. Donc ça c'est glorifié, mais la façon dont il veut faire le dhikr, il doit être en accord avec l'exemple ramené par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Comme par exemple les soufis, hein, quand ils font leur dhikr, ils font leur dhikr d'une façon qui est contraire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils rajoutent dedans des choses et des formes et des descriptions qui n'ont pas été enseignées par les sahaba ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? نعم واذكر الله في نفسك تضرعا وخفيا. Donc rappelle-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala en toi-même, تضرعا ça veut dire وخفيا, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de concentration, وخفيا ça veut dire et en toi-même, en voix basse, hein, pas à voix haute, دون الجهر, ça veut dire pas à haute voix, pas fort, نعم دون الجهر من القول. Le redou, c'est le matin, l'afal c'est avant le maghrib. Donc ça c'est un verset dans le Coran, et ça, ça nous montre une certaine description, une certaine façon de certaines attitudes à faire ou à utiliser lorsqu'on fait le dhikr, hein, contrairement à ceux par exemple qui vont faire le dhikr à voix haute et en groupe, hein. Ouais, il y a un hadith qui dit, il y a des sahabas, je pense, qui étaient là, ils ont commencé à mentionner Allah, à dire Allahu Akbar, ou quelque chose comme ça, mais très très fort, ou à haute voix, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, vous ne vous adressez pas à un sourd, alors, vous n'avez pas besoin de crier fort, des choses de ce genre, Allah sallallahu alayhi wa sallam, il entend, hein. Et, il y a également l'exemple des soufis, subhanallah, il n'y a pas seulement les soufis qui font des bid'as, d'accord, il y a plein d'autres gens qui font des bid'as, mais les bid'as des soufis sont particulièrement remarquées parce que flagrantes, ou parce qu'elles sont répandues partout dans le monde musulman, d'accord. Et il y en a ceux qui font le dhikr d'Allah en mentionnant seulement un mot comme « hu, hu, hu, hu, hu, hu », hein, ils vont juste mentionner « hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu ». Et ils font ça en groupe. Non, pour aller plus vite, hein. Mais ils disent que ça c'est le dhikr des, ouais, ils disent que ça c'est le dhikr des gens qui sont arrivés au plus haut niveau de la foi, yani. Pour eux, c'est ça le meilleur dhikr, hein. Et il y a ceux qui disent, il y en a qui disent aussi, ils commencent doucement, ils disent, لا إله إلا الله لا إله, hein, comme ça doucement. Et là, à mesure qu'il continue, il avance, là il commence à augmenter. Il dit, la la la la la la la la la la la. Après il commence, Allah, hein? Il commence comme ça jusqu'à ce qu'il tombe des fois, tombe sans connaissance, ou je sais pas quoi encore. Et une fois, je suis allé dans un magasin, je me rappelle, au début, quand je me suis converti à l'islam, Allah al-Musta'an, ici à Montréal, quand je suis allé dans un restaurant, un magasin, une librairie, où on vendait des livres, et le propriétaire, c'est un soufi, hein, c'est Farhat le Naqshbandi, celui qui qui est à la mosquée, leur centre soufi d'Akshabandi, Masjid al-Iman, je sais pas quoi, c'était sur l'avenue du parc avant, je pense qu'ils ont changé. Non, pas Salah al-Din, une autre, c'est Masjid al-Iman, quelque chose comme ça. En tout cas, Farhad c'est un Tunisien, soufi. Hein, il est devenu Naqshbandi, depuis ce temps-là il est avec cette tarifa, leur chef c'est Cheikh Nazim, ok. Ben, à l'époque lui c'était lui le propriétaire de la librairie là-bas, puis il avait des livres sur le soufisme, en anglais, en français, mais il avait également des livres également sur l'islam en général, qui n'étaient pas réellement reliés au soufisme. Donc moi, bon, étant nouveau à l'islam, je rentrais dans cette librairie, puis je cherchais toujours quelque chose d'intéressant à lire sur l'islam, puis une fois je suis rentré dans cette librairie, et il y avait un panneau, comme un genre de panneau, comme on appelle un paravent. Donc, je rentre, il n'y avait personne, mais j'entendais un bruit, comme un bruit comme... un drôle de bruit comme ça, et là, subhanallah, tout d'un coup, ça s'est arrêté, et là, c'était comme dans une cassette, d'accord. Et là, j'ai vu Farhad qui est sorti de derrière le paravent, avec un autre monsieur là, gros, avec un turban immense, un turban vert immense sur sa tête. Ils avaient arrêté la cassette. Et là, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi? Il me dit, ça là, c'est les Mujahideen en Afghanistan là. Ils font le dhikr comme ça là, puis après ils s'en vont manger des Russes. J'ai dit, Aoudou Billah, j'ai dit, c'est pas le dhikr. Et là, je trouvais ça bizarre. Puis là, il y avait la photo de son chef, là, quoi. J'ai dit, mon frère, dans l'islam, c'est haram des photos, non? Il me dit, mais il y a des choses que tu sais pas encore, tu vois, tu vas apprendre. Et là, je suis rentré. Et après, il dit, je vais vous amener au métro, là. Alors, il m'amène dans sa voiture, dans le métro. Je vois une autre photo de son chef en plein devant de sa voiture. J'ai dit, mais pourquoi tu mets la photo, là, de ce monsieur-là, avec la barbe et tout, devant ta voiture, comme ça? Ah, mais ça, c'est mon chef, là, c'est un grand homme, là, et tout ça. Donc, moi, je voyais ça, je dis, subhanallah, c'est haram les photos, puis lui, il met ça en plein milieu de sa voiture. En réalité, c'est parce qu'ils prennent, ils font l'intercession par leur chef, hein, pour aller à Allah, et ils se concentrent sur la photo de son chef, hein, pour faire le dua à Allah, subhanallah, tu vois. Donc, c'est une forme de shirk, yani. C'est pour ça que les photos, moi, c'est ça qui m'a convaincu de l'interdiction des photos encore plus. Non. Parce que eux, ils disent, les photos, c'est pas pareil comme le dessin que tu fais avec ta main. Parce que le dessin, tu le fais avec ta main, mais la photo, tu fais juste peser sur le bouton, puis ça sort. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais est-ce que c'est une image ou non? Oui, c'est une image. Et le fait que tu aies appuyé sur le bouton, est-ce que c'est toi qui as appuyé sur le bouton, c'est toi qui as été la cause dans le fait que la photo est sortie. Donc c'est, tu as fait une image. Et cette image-là, et celle qu'on fait avec la main, les deux peuvent être utilisés pour le shirk, oui ou non? Oui. Hein? Donc dans ce cas-là, les deux sont haram. Na'am. Ouais, même la photo de toi-même, la photo de ta famille, les souvenirs, tout ça c'est haram. Mais les cas de nécessité, comme si par exemple ta carte, ton passeport ou ta carte, des choses qui sont nécessaires, c'est haram, mais étant donné que c'est une nécessité, t'as pas le choix de le faire. Exactement. Même si tu mets dans un album, tu n'as pas le droit de préserver des photos. Allez. Exactement. Ouais. Non. Et si tu veux le souvenir de ta famille, de tes proches et tout, alors tu as une image dans ta tête d'eux déjà. Donc pourquoi tu as besoin d'avoir une photo que tu retournes toujours là-dessus? Mes amis, ben, tu as leur souvenir dans ta tête. Hein? C'est pas suffisant ça comme souvenir. Sur les photos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens qui ont le plus dur châtiment au jugement dernier, c'est ceux qui ont fait des images. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala au jugement dernier, il va faire vivre toutes les images de ceux qui ont fait des images, il va les faire vivre pour qu'ils le châtient dans l'enfer, pour qu'ils châtient la personne qui les a fait dans l'enfer. Donc t'imagines, subhanallah, celui qui a dessiné des bonhommes ou des choses là, c'est ou qui ont ou bien ceux qui ont fait des images, des photos exactement la même chose. Un photo, le pauvre photographe, il va être châtié. Hein. Non. Non, mais les photos de passeport, comme je t'ai dit, ça c'est pour les nécessités, dans ce cas-là, c'est permis. Mais là, on va revenir au sujet. On voulait juste faire comprendre un point, là. Là, on va revenir. La troisième catégorie, on l'a parlé, on a expliqué c'était quoi. On a mentionné les exemples dans le dhikr. Maintenant, on va mentionner les exemples, comme le cheikh il dit, le fait de faire une ibadah dans laquelle on se met une sorte de difficulté sur nous-mêmes. Comme par exemple, t'es en plein milieu du désert, il fait 50-60 degrés à l'ombre, toi au lieu de te mettre à l'ombre, t'enlèves ton chapeau, tu t'en vas prier en plein milieu du soleil. Et là tu te dis, moi je vais prier dans le soleil parce que je veux plus de récompense, et si je prie dans le soleil, avec la chaleur et tout, ma prière va être meilleure, ou va être plus meilleure, plus de valeur parce que je mets de la difficulté. Ça c'est une bida. Un rouleau, c'est un extrémisme. Et ça fait partie d'une bida également. Par exemple, quelqu'un qui dirait, moi, je me marie pas. Je vais rester toujours célibataire parce que je veux être plus pur et je veux rester loin des femmes. Ça c'est une bida. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ça. Et il a dit, man rariba an sunnati falaysa minni. Celui qui laisse ma sunna, il ne fait pas partie de moi. Celui qui dit, moi je dors pas la nuit, je vais prier tout le temps la nuit, je vais jamais dormir. Celui qui dit, par exemple, moi je mange pas de viande. Ou bien je jeûne tout le temps, je veux plus, manger, jamais dans le jour, je vais toujours jeûner. Ou des choses de ce genre, yani. Ça c'est les bid'ah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu des sahaba qui ont fait ça à son époque. Et il a dit, j'ai entendu que des gens d'entre vous ont dit qu'ils voulaient faire des choses de ce genre, alors sachez que celui qui laisse ma sunna, il n'est pas de moi. Ok? Donc ça c'est des exemples. Le prophète, ensuite le cheikh il donne une quatrième catégorie. Il dit, النوع الرابع ما يكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع كتخصيص يوم نصف شعبان وليلته بصيام وقيام فإن أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل. Donc le cheikh il dit que par exemple tu fais une ibada qui est légiférée, qui fait partie de la charia, mais tu lui spécifies un temps particulier pour la faire qui n'a pas été mentionné par le Coran et la Sunna. Comme par exemple, le fait de dire que la nuit du milieu du mois de Sha'ban et le jour de Sha'ban, tu dois jeûner et tu dois prier la nuit. Alors qu'il n'y a aucune preuve, ni dans le Coran ou dans la Sunna, pour dire que tu dois faire ça. Donc de spécifier que la nuit du milieu du mois de Sha'ban doit être priée et que tu dois jeûner ce jour-là, c'est une bid'ah. D'accord? Et c'est comme si dans n'importe quel autre temps, n'importe quel autre ibadah, tu spécifies que tu dois faire une ibadah dans un jour spécifique. Donc ça, ce serait une bid'ah. Si quelqu'un dit par exemple, le jeudi ou le mercredi, à la prière à l'heure de dhuhr, l'imam doit faire un khutbah, comme le dhuhr. Ça serait une bid'ah. Parce que le prophète n'a pas dit ça. Ou bien si quelqu'un dit par exemple il veut faire le Hajj, mais c'est pas le mois de Dhul-Hijjah, c'est pas le temps de Hajj, et qu'il s'en va à Mecca, et qu'il fait le tawaf, et qu'il fait tous les rituels du Hajj, mais que c'est pas le mois de Dhul-Hijjah, est-ce que son Hajj sera accepté? Non. D'accord? Il dit, ah mais il y a moins de monde maintenant, donc si j'attends au Hajj, au mois du Hajj, ben il y aura trop de monde, puis je vais pas pouvoir me concentrer. Donc je vais y aller quand il n'y a personne, et puis je vais faire mon Hajj. Non, ce n'est pas accepté. La même chose pour Ramadan. Si quelqu'un dit, moi je ne vais pas faire Ramadan au mois de Ramadan, je vais faire le Ramadan à un autre mois, ce n'est pas accepté. D'accord? Il faut respecter les temps qui ont été délimités par la charia, et pas inventer nous-mêmes des temps qui n'ont pas de preuve ou de référence. Tu as une question, Issa? Vas-y. Ouais. C'est quoi? Ah, ok, tu veux dire, il s'assoit, il lit dans un livre, un hadith? Ah, ok. Ouais, ben, dans ce cas-là, c'est pas nécessairement une bid'a. C'est une bid'a si il dit que de faire ça, c'est sunnah. Si il dit, après l'Isha, tous les imams de Montréal, ou tous les imams dans le monde doivent lire un hadith aux gens, partout, puis à tous les jours, il dit ça c'est la sunnah, ça devient une bid'a. Mais si lui il fait ça dans le but de rappeler aux gens quelque chose, de leur donner une exhortation, de leur rappeler quelque chose de bien, dans ce cas-là c'est comme nous, on fait le dars tous les lundis et les samedis, après l'asr. Est-ce que c'est une bid'a? Non, parce qu'on ne dit pas que ça c'est sunnah de faire ça, hein. On dit seulement que nous on a décidé de prendre cet horaire-là parce que c'est ça qui nous convient, et puis on se rappelle d'Allah dans ce moment-là, mais c'est pas parce que c'est sunnah de le faire, d'accord? Donc c'est la même chose. Et comme certains imams là, dans certaines mosquées, à Montréal, comme ICQ puis d'autres, et après chaque prière, ils font un dua. Après chaque prière, quand ils ont fini, ils font un dua à haute voix. Et tout le monde dit Amin. Ça c'est bid'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas ça. D'accord? Mais si un imam fait un dua une fois, comme ça, parce qu'il y a quelque chose qui s'est produit, puis il pense que c'est bon de faire un dua, par exemple, pour demander à Allah une faveur spécifique pour un moment, à ce moment-là, parce qu'il y a quelque chose d'important qui est arrivé, s'il le ferait une fois comme ça, ce serait pas une bid'a. Mais le fait qu'il le fasse régulièrement à chaque prière, puis qu'il le fasse de cette façon-là, que les gens répètent Amin, Amin, et je crois que même s'il le faisait pas, les gens allaient attendre jusqu'à ce qu'ils le fassent. Parce que j'ai remarqué que les gens ne se lèvent pas de leur place tant que l'imam n'a pas fait ça. Et c'est comme si tout le monde se joigne leurs mains ensemble, et là ils répètent Amin avec l'imam. Et quand l'imam a fini, il essuie les mains sur son visage et sur sa poitrine. Et là tout le monde fait ça avec lui. Et là ils se lèvent et ils vont prier deux rak'at ou bien ils s'en vont chez eux. Et ça, c'est une bid'a. Déjà de frapper le visage et de frotter le visage avec les mains après le doigt et frotter le corps, ça n'a fait même pas partie de la sunna de faire ça. Ça c'est uniquement dans la ruqya, ça fait seulement partie de la ruqya quand quelqu'un est malade ou qu'il a quelque chose, il récite le Coran dans ses mains, il souffle trois fois dans ses mains, hein, et puis après il récite le Coran dans ses mains et il le passe sur lui, oui dans ce cas-là oui, mais pas pour le doigt. D'accord? Le soir avant de coucher, tu fais ça, ça c'est sunnah. Mais de le faire après le doua, non, ça n'a pas rapport. Donc, ça c'est quelque chose d'important à comprendre. Et après le cheikh il dit, maintenant qu'on a expliqué les catégories de bid'a, maintenant le cheikh, il... Mais comme je vous dis, c'est pas parce que des gens, tout le monde fait quelque chose dans une mosquée ou dans un pays, que ça veut dire que c'est sunnah de le faire, parce que d'un pays à l'autre, des gens ont des habitudes et des traditions qu'ils répètent de génération en génération, et parfois c'est pas ça n'a pas de référence dans le Coran et dans la Sunna. Par exemple, en Inde, après qu'ils entendent l'azan, ils prennent leurs doigts comme ça et ils soufflent. Ils font un doua, ils soufflent sur leurs pouces, sur les ongles de leurs pouces, et après ils le mettent sur leurs yeux. Il le passe comme ça. Et tout le monde en Inde, excepté ceux qui sont sur la sunna et au Pakistan, ils croient que ça, c'est une sunna et que c'est obligatoire, ou pas obligatoire, mais que c'est une sunna et que c'est bon de faire ça. D'accord? Donc, pour eux, c'est quelque chose d'accepté. Alors que dans le reste du monde musulman, il n'y a personne qui pratique cette chose-là. Donc, quand ils vont aller ailleurs, ils vont peut-être dire, ah, mais chez nous, tout le monde fait ça. Sauf que, la référence, c'est pas qu'est-ce qu'on fait dans notre pays, mais c'est qu'est-ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. S'il a une origine, s'il a une référence, on va l'accepter, alhamdoulilah. Mais si on trouve qu'il n'a pas de référence, il n'a pas de preuve, ou qu'il est basé sur un hadith daïf, ou sur un hadith qui est maudour, qui est faible ou fabriqué, ou des choses de ce genre, là, dans ce cas-là, on va le rejeter. Mais il faut vérifier, d'accord? Donc, alhamdoulilah. Combien de temps il nous reste? Ouais? D'accord, donc c'est parfait, on a le temps terminer au moins cette section, Inch'Allah. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme, juste pour arriver à clarifier le point de qu'est-ce que le chef veut expliquer par la suite. Chef dit, « Hukm al-bid'ati fi al-din », le verdict au sujet de la bid'a dans la religion. Est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est pas permis? Est-ce que c'est halal ou est-ce que c'est haram? Le chef dit, « Kull bid'ati fi al-din min ay naw'in kanat, yani fi al-din, fahiyya muharrama wa dalala. » لقوله صلى الله عليه وسلم وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il dit, toutes les bid'a dans la religion, peu importe la sorte, elles sont toutes interdites et égarements. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, et prenez garde aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouvelle chose est une bid'a, toute nouvelle chose dans la religion est une bid'a, et toutes les bid'a sont des égarements. وقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui invente quelque chose dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, eh bien cette chose-là, elle sera rejetée. Quelqu'un qui amène quelque chose dans la religion qui n'en fait pas partie, cette chose-là sera rejetée. Et dans une autre narration, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. C'est celui qui fait un acte qui ne fait pas partie de notre religion, cet acte-là sera rejeté. On a tout mentionné ces hadiths tout à l'heure. Donc, c'est comme un rappel encore une fois. الشيخ dit, فدل الحديث على أن كل محدث في الدين فهو بدعة وكل بدعة ضلالة مردودة. Hein, ça prouve que toute innovation dans la religion, toute chose nouvelle dans la religion, c'est une bid'a. Et toute bid'a, c'est un égarement et c'est rejeté. Actuellement, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont grandi sur la bid'a dans leur pays. Hein? Et donc, étant donné que les bid'a se pratiquent de génération en génération depuis des années et des années, des décennies et des siècles, alors les gens, ils croient que ça, c'est la sunna. Alors quand ils voient des musulmans qui viennent avec la sunna et qui leur disent « qu'est-ce que vous faites ?» ça ne fait pas partie de l'islam, c'est des innovations. Eux ils disent « vous amenez une nouvelle religion, vous nous amenez une nouvelle religion. Pourquoi ?» Parce qu'ils ont grandi sur la bid'a. Hein? Maintenant, là, après, en réalité, ça c'est quand, qu'est-ce qui arrive, quand ça arrive ces choses-là, c'est comme si maintenant là, les choses sont toutes à l'envers. La sunna est devenue la bid'a, et la bid'a est devenue la sunna. Donc, tout est confus dans l'esprit des musulmans. Donc, c'est ce qui se passe actuellement. L'instant. Donc, le cheikh dit, وَمَعْنَ ذَلِكَ أَنَّ الْبِدْعَةَ فِي الْعِبَادَاتِ وَالْاعْتِقَادَاتِ مُحَرَّمَةَ. Donc, c'est-à-dire que les innovations dans les croyances et dans les adorations sont interdites. C'est haram de les faire. وَلَكِنْ التَّحْرِيمَ يَتَفَاوَتْ بِحَسَبِ نَوْعِيَةِ الْبِدْعَةِ. Donc l'interdiction de ces bid'a-là, eh ben, elles sont pas toutes au même degré. Il y a des différents niveaux d'interdiction. Le cheikh il dit « فَمِنْهَا مَا هُوَ كُفْرٌ صَرَاحٌ كَالطَّوَافِ بِالْقُبُورِ تَقَرُّبًا إِلَى أَصْحَابِهَا. » Donc le cheikh il dit, il y en a parmi ces bid'a-là qui sont kufr clairs, comme le fait par exemple de faire le tawaf, de tourner, circuler autour de la tombe d'un wali, hein, un nombre de fois, dans l'intention de se rapprocher de ce wali. Celui qui fait ça c'est kufr. Hein? Malgré que c'est une bid'a, mais c'est une bid'a qui amène au kufr. Et même le shirk en lui-même, il est bid'a. Parce qu'il est arrivé dans le peuple de Noé pour la première fois, alors qu'il n'existait pas dans la religion de Noé. Donc, ça prouve que c'était le shirk est apparu alors qu'il n'existait pas. La base de l'humanité, c'était le tawhid. Tout le monde était sur le tawhid. Et le shirk est apparu parce que les gens ont pris des intermédiaires entre eux et Allah parmi les hommes pieux, salihin. Comme Allah dit, hein, وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَصْرًا. Hein? Donc ça c'est les gens de Noé ont dit ça. Ils ont dit, n'abandonnez pas vos idoles. et n'abandonnez pas les hommes pieux que vous adoriez auparavant. Et il a mentionné leurs noms. Waddam, wa Suwa', wa Yahous, wa Ya'ouk, wa Nasr. Hein, ça c'était le nom de certains personnages pieux à l'époque de, qui vivaient avant Noé. Et les gens ont dit, on va faire des images de ces gens-là et des statues de leur personne pour les mettre en plein milieu de la ville, comme ça les gens quand ils vont voir ces hommes-là, ils vont se rappeler de leur piété et ils vont dire, ah ça va nous encourager à faire le bien. Par la suite, ils ont oublié pourquoi ça avait été construit. Et après quelques générations, les gens ont dit, on va les mettre à côté de leur tombe, là où ils étaient enterrés, comme ça on pourra les prendre comme des intermédiaires. Quand on va prier, on va demander par leur intermédiaire pour aller à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et c'est ça que les mouchriquins de Quraysh, ils faisaient. Hein? Ils disaient par exemple, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Hein? Ils disaient, ceux qui ont pris des alliés avec, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans leur adoration, ils disent, on les adore uniquement pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'était la base de leur shirk. Et c'est pour ça que je dis qu'à la base de shirk, c'est une bid'ah, c'est une innovation. Hein? Donc, quelqu'un qui ferait ça, ce serait kufr. Ou le shirk, il dit, وَتَقْدِيمُ الزَّبَائِحِ وَالْمُذُورِ لَهَا. Le fait, par exemple, de sacrifier ou d'égorger des bêtes pour les morts, pour les awliya, ou pour les djinns, ou de faire des vœux pour eux. Ça, c'est une forme de shirk également, c'est kufr. وَدُعَاءِ أَصْحَابِهَا وَلِسْتِغَاثَةِ بِهِمْ. Hein, de les invoquer, de leur demander des grâces et des biens, ou de leur demander la guérison ou le succès en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de leur demander le secours quand on a un malheur. Tout ça, c'est des exemples de kufr. وَكَمَا قَالَاتِ غُلَاتِ الْجَهْمِيَ وَالْمُعْتَزِلَ. Comme les paroles des extrémistes parmi les Jahmiya et les Mu'tazila qui disent les noms et les attributs d'Allah. Hein? Donc ça, c'est également un exemple de kufr. ومنها ما هو من وسائل الشرك. Donc le cheikh dit ومعنى ذلك أن البدع في العبادات والاعتقادات محرمة. Et là il a mentionné des exemples de bid'ah qui sont shirk, comme les exemples des qu'on a mentionnés. Après il dit ومنها ما هو من وسائل الشرك. Donc il y en a d'autres bid'ah sont pas shirk, sont pas kufr eux-mêmes, mais ils sont des moyens ou des choses qui vont t'amener à faire le shirk ou à tomber dans le shirk. Et le cheikh il dit كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها ومنها ما هو فسق. Donc il dit, comme par exemple le fait de bâtir des monuments ou des constructions par-dessus les tombeaux, c'est peut-être pas shirk en lui-même que de construire un sanctuaire ou un monument sur une tombe, sauf que c'est des choses qui sont des moyens qui peuvent amener les gens vers le shirk, et donc ça fait partie de qu'est-ce qu'on appelle sadd al-dhara'ir, de fermer toutes les portes qui peuvent amener des gens à tomber dans un péché ou dans quelque chose de haram. Donc toute chose qui peut amener des gens au shirk devient interdit par lui-même, d'accord, et donc ça devient haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de bâtir quoi que ce soit sur une tombe, justement pour pas qu'on commence à glorifier et à exalter les gens qui sont enterrés dans ces tombes-là. Hein, et qu'il a ordonné de niveler tous les tombeaux qui étaient surlevés du niveau de la terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib pour les niveler au niveau, pour qu'elles soient au niveau du sol, et de détruire toute statue. Et Ali, qu'est-ce que tu veux dire? De construire quelque chose sur la tombe? Non, de... Ouais, non. Je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis que la terre soit peut-être un peu surlevée à d'une certaine distance, mais c'est-à-dire il ne doit pas y avoir aucune construction, ouais, un pied, mais il ne doit pas y avoir rien de surlevé par-dessus la terre. Ouais, c'est ça. Non, marquer le nom sur la tombe, c'est bid'ah. Hein? C'est vrai? Même le nom, oui. C'est pas permis. C'est vrai. Les gens, tu vois, les gens, non, mais c'est parce qu'ils ne savaient pas. Non, si quelqu'un ne sait pas, c'est pas une bid'ah dans ce cas-là. Yani. La bid'ah, c'est celui qui fait quelque chose. Il y a le hadith qui interdit le mut'a, c'est un hadith dans Sahih Muslim qui est rapporté selon Ali ibn Abi Talib. Et c'est eux les Shia qui pratiquent le mut'a. Alors, il ne faut pas s'étonner que les Shia font tout le contraire de qu'est-ce que Ali a enseigné. Parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, c'est à la base de ces gens-là, c'est les Yahoud, Abdullah ibn Sabah. C'est lui le fondateur des Shia. Donc, il ne faut pas s'étonner de leurs mensonges sur l'islam et sur Ahlul Bayt, Ali et les autres. Après, le chef, il dit, il y a des choses parmi les bid'ah qui sont des péchés. Fisqun i'tiqadi, des péchés. Kabiratul khawarij wal qadariya wal murji'a fi aqwalihim wa i'tiqadatihim al mukhalifa lil adillati shar'iyya. Comme par exemple les bid'ah dans les péchés de certaines croyances de certaines sectes comme les khawarij qui font le takfir des musulmans. Ils déclarent tout musulman qui font un péché comme étant un kafir. Et que c'est permis de prendre de le tuer et de prendre ses biens. Ça, c'est une bid'a. Hein? Ou la bid'a des murji'a. Ceux qui disent, par exemple, toute personne qui dit la ilaha illallah, eh ben, il a une foi comme la foi des anges, comme la foi des prophètes, et la foi, elle ne diminue jamais, elle est une chose stable, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas, et, il croit que tout le monde tous les hommes sont égaux dans la foi, etc. Donc ça c'est des exemples de bid'a. Ils disent que lorsque tu as la foi, eh ben tu peux faire tous les péchés et ta foi va rester quand même au même niveau que la foi des prophètes et des messagers, etc. Donc ça c'est une bid'a qui amène les gens vers le péché. Et la bid'a des qadariya, ceux qui nient al-qadar, la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est des exemples parmi les bid'ah dans la charia, il y a des exemples de bid'ah que ces gens-là ont mis dans les croyances qui sont contraires aux preuves de la charia. وَمِنْهَا مَا هُوَ مَعْصِيَةٌ كَبِدْعَةِ التَّبَتُّلِ وَالصِّيَامِ قَائِمًا فِي الشَّمْسِ وَالْخِصَاءِ بِقَصْدِ قَطْعِ شَهْوَةِ الْجِمَاعِ إِلَى آخِرِهِ. Donc le cheikh il a mentionné des exemples de bid'ah ou de al-khisa. C'est quoi al-khisa? Ah, la castration, oui c'est ça. Les gens qui se font castrer pour couper les envies sexuelles parce qu'ils veulent pas se marier. Donc au lieu de dire l'excision c'est pas la même chose que la castration. La castration c'est quelqu'un qui se coupe les testicules, je pense, ouais, pour pas avoir d'envie sexuelle, comme ça il se concentre plus dans l'adoration et des choses comme ça. Wallahu a'lam akhi. L'excision là, dont je parle, l'exemple. Regarde, l'excision, non. La excision, c'est de couper le. Il y a le khitan, qui est de couper une portion de. Une petite portion, ouais, pour la femme, on parle. De couper une petite partie du clitoris de la femme. Ça a été fait, oui, ça existait même avant l'islam. Et, walaykum salam wa rahmatullah. Par contre, il y a dans certains pays où ils font pas ça. Ils coupent tout au complet, et les parties génitales de la femme, et ils le couent même avec du fil. Et ça c'est, comment je pourrais dire, dépassé. Qu'est-ce que la charia nous a demandé. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé, il n'a pas justifié ces choses-là. Il y avait une femme, je pense, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait ça, et on appelle ça en arabe al-khifab. C'est-à-dire, il diminue une petite partie du clitoris de la femme, mais pas de couper au complet la partie génitale de la femme. Parce que c'est ça, si elle n'en a pas du tout, lorsqu'elle aura des rapports sexuels avec sa femme, avec son mari, elle n'aura plus d'envie et de sensation. Et qu'est-ce que ça va faire ça? Ça va faire que, ben justement, ça peut également lui causer beaucoup de problèmes de santé. Lorsqu'elle aura des rapports sexuels avec son mari, elle va avoir des problèmes, des fois des difficultés, et donc c'est préférable de pas, s'ils vont faire le khitab, de le faire légèrement, hein. Mais il y a des, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, une des preuves que les ulama ont mentionné pour ça, ils ont dit, oui, إذا التقى الختانان وجب الغسل. Lorsque les deux parties circoncises se rencontrent, le ghusl devient obligatoire. Donc, les ulama, ils ont dit que ça, c'est lorsque la partie génitale de l'homme pénètre à l'intérieur de la partie génitale de la femme et que les deux parties circoncises se rencontrent. Donc, il y a eu pénétration. Donc, le ghusl est obligatoire, même s'il n'y a pas eu éjaculation, par exemple. D'accord? Mais, c'était une preuve qui est mentionnée pour dire que ça veut dire que la femme également, elle peut être circoncise. Mais qu'est-ce qu'ils font dans certains pays, comme par exemple en Somalie, en Djibouti, ou bien en Soudan, ou des pays comme ça? Ça, c'est dépasser la sunna, yani. Ouais, c'est ça. En Égypte également, ils font ça. Comme le frère, il dit, c'est pour pas que... Ouais, ils font pas le zina, tu veux dire. Ouais, mais par contre, il y a beaucoup de pays où on pratique pas ces coutumes-là, et l'islam a donné des moyens aux gens pour éviter de tomber dans le zina également, tu vois. Sinon, il y a des, comme on appelle, des ceintures de chasteté qu'on peut installer, yani. C'est des choses en métal avec un cadenas. Et ça, c'est seulement c'était en Europe. Les chevaliers, soi-disant les chevaliers, lorsqu'ils partaient dans les croisades, là, quand ils partaient, ils cadenassaient leurs femmes comme ça. Et puis, ils partaient avec la clé pour être certain que personne n'allait atteindre à la chasteté de leur femme, yani. Donc ça, c'est des exemples d'extrémistes, yahri, et puis ça amène beaucoup de tort, et les koufars actuellement sont en train de faire beaucoup de fitna avec les musulmans au sujet de cette question-là de... Ça continue encore, yahri. Puis c'est sûr que maintenant ça diminue, mais ces gens-là, ils prennent ça comme un flambeau, là. Le flambeau de... Non. Ça a diminué. Alhamdulillah. Barakallahu fik. Donc, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. C'était juste une note. Et le cheikh, il dit par la suite, Tandihum. Hein? Donc, une note pour porter l'attention des gens. Il dit, Man qassam al-bid'a ila bid'atin hasana wa bid'atin sayyi'a, fahuwa ghalitun wa mukhti'un wa mukhalifun liqawlihi sallallahu alayhi wa sallam, فإن كل بدعة ضلالة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على البدع كلها بأنها ضلالة وهذا يقول ليس كل بدعة ضلالة بل هناك بدعة حسنة. Donc le cheikh ici, il veut porter l'attention et expliquer que il y a des gens parmi les gens de bid'a qui disent qu'il y a des bonnes bid'a. C'est pas toutes les bid'a qui sont mauvaises, il y en a qui sont bonnes. Donc le cheikh, il dit, celui qui dirige la bid'a, une bonne bid'a et une mauvaise bid'a, eh bien celui-là, il a fait une erreur. Et il a contredit la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui dit, toute bid'a est une dalala. Toutes les bid'a sont des égarements. Donc, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jugement et un verdict clair qui explique que toutes les innovations sont des égarements, sans exception. Donc celui qui vient qui dit non, c'est pas toutes les bid'a qui sont dans là, c'est comme s'il vient répondre au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et critiquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et rejeter la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit toutes les bid'a sont des égarements. Et après le cheikh il dit قال الحافظ ابن رجب في شرح الأربعين فقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين وهو شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فكل من أحدث شيئا نسبه إلى الدين ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه أو يرجع إليه فهو ضلالة والدين بريء منه سواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو الأقوال الظاهرة والباطنة انتهى. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali dans Sharh al-Arba'in al-Nawawi dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam, c'est le livre de cheikh Ibn Rajab. Il dit la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit toutes les bid'a sont des égarements, ça fait partie de Jawami' al-Kalim. Et Jawami' al-Kalim ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. C'est-à-dire, il peut dire en quelques mots des choses qui ont des énormes significations hein, et des grands concepts, il les résume en un ou deux mots ou des choses très simples. Donc ça c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné et c'est une de ses particularités au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il a Jawami' al-Kalim. Donc le cheikh il dit que ça fait partie de Jawami' al-Kalim. La yakhruju anhu shay. وهو أصل عظيم. Il dit, il y a rien qui en sort. C'est-à-dire, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, toutes les innovations sont des égarements, il y a rien dans les bid'a dans la religion qui peuvent en sortir. Elles sont toutes des égarements. Et il dit que ça, c'est un des fondements dans la religion. Et c'est semblable à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit, celui qui invente dans notre affaire, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors elle est rejetée. Donc, toute chose qu'on invente dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on attribue comme faisant, et qu'on décrit comme faisant partie de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'elle n'a aucun fondement, alors elle n'est pas dans la religion et elle est rejetée. C'est une balala. D'accord? Fahuwa balala. Et peu importe que cette bid'a soit dans les choses de la croyance, ou dans les choses des actions, ou dans les paroles, elles sont toutes des bid'a, intaha kalam. Voilà, le cheikh il dit par la suite, وليس لهؤلاء حجة على أن هناك بدعة حسنة إلا قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة هذه وقالوا أيضا إنها أحدثت أشياء لم يستنكرها السلف مثل جمع القرآن وكتاب في كتاب واحد وكتابة الحديث وتدوينه. Donc le cheikh il dit que ces gens-là ils n'ont aucune preuve pour dire que il y a des bonnes bid'a, excepté la parole de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il a réuni les gens dans la salade de Tarawih, et qu'il a dit, ni'matul bid'a hadihi, quelle bonne bid'a, hein. Mais, il n'y a pas de preuve pour ça, pour eux, dans ça, parce que la salade de Tarawih, c'est une salade qui a été faite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant trois nuits durant sa vie. Pendant trois soirs, les musulmans se sont réunis durant le ramadan derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a prié avec eux salat al-tarawih. Après la troisième nuit, les gens ont attendu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée pour qu'il prie et il n'est pas sorti. Et il leur a dit, après être sorti, il leur a dit, je ne veux pas prier encore avec vous durant le ramadan la nuit parce que je crains que si on le fait comme ça continuellement, Allah va le rendre obligatoire. Donc, il a cessé de le faire, hein, et c'est uniquement à la période de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, que les musulmans ont recommencé à faire le tarawih comme ils le faisaient au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam durant ces trois nuits-là. Donc, c'est pour ça que Omar ibn al-Khattab a été content lorsqu'il a fait ça. C'est-à-dire, les musulmans continuaient à prier la nuit durant le ramadan, excepté qu'ils priaient chacun individuellement dans la mosquée. Et ils ne priaient pas tous ensemble derrière l'imam. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Omar ibn al-Khattab? Il a mis tout le monde ensemble derrière un seul imam, et là, ils ont fait la salat de Tarawih ensemble. Donc, c'est pas une bid'a, puisqu'il y a une source, il y a une référence dans la sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait fait. Donc, si c'était une bid'a, il n'y aurait pas de référence. Deux soirs, Allahu a'lam. Moi, je crois que c'est trois soirs, mais si tu dis que c'est deux soirs, ça se peut que je me sois trompé. Allahu a'lam. Non, ça c'était une sunna, puisqu'il a revivifié, il a fait revivre une sunna que les gens avaient délaissée. Et donc, c'est une bid'a, comme on va expliquer, c'est une bid'a au sens linguistique. Dans le sens que c'est quelque chose qui, que les gens avaient laissé tomber et qu'il a ramené. Donc, au sens de la langue arabe, oui, c'est une bid'a parce que c'est quelque chose de nouveau que les gens avaient laissé. Mais au sens le religieux, c'est pas une bid'a puisque une bid'a c'est quelque chose qui n'a pas de référence dans la charia. Donc, c'est quelque chose qui est sunnah. Et l'exemple également de ceux qui disent, par exemple, ah, mais il y a des choses que les salafs ont fait qu'ils n'ont pas renié, comme par exemple le fait de mettre le Coran dans un seul livre. Ça, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas fait. Et, wa alaykum salam wa rahmatullah. Et il ne faut pas oublier que, déjà Allah sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran, il dit « Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun ». Donc il y a des références dans le Coran. Allah il dit « Zalika al-kitab la rayba fi ». Donc il y a beaucoup de références. Allah s'adresse, il parle du Coran comme étant un livre. Donc c'est clair que c'est yani un livre. Et également, ça a été fait par les Sahaba. Il y a eu l'ijma des Sahaba au fait de rassembler le Coran. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La tajtami'u ummati ala dalala » Ma umma ne va pas s'unir sur une dalala, sur un égarement. Donc si les Sahaba ont tous été d'accord sur une chose, donc c'est une hujja, c'est une preuve dans la charia, et donc ce n'est pas une bid'a. Et également, ça fait partie des moyens qui sont mubah et qu'on peut utiliser pour préserver le Coran. Et tout moyen qu'on peut utiliser pour préserver le Coran, alors ça devient mubah, comme par exemple d'enregistrer le Coran sur un CD-ROM, ou d'enregistrer le Coran sur une cassette, ou des choses de ce genre. Tout ça, c'est des moyens qui sont légaux et qu'on a le droit d'utiliser, et donc on ne peut pas dire que ça, c'est des exemples de bid'a. Et on va s'arrêter ici, inshallah, qu'on قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Et on continuera inshallah la semaine prochaine باذن الله. وفيكم بركه inshallah.